L'enfer est sur terre, rien à faire, rien à foutre. Foutre la société, quoi qu'il en coûte. Je marche la tête haute, moi-même je sais un jour ou l'autre. Ta vie, ma vie et celle de mes enfants finiront entre quatre planches. Pas un sou en poche, il y en a qui roulent en Porsche. Avec ma sacoche dont j'encaisse tous les coups. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Personne pour m'aider, rien à foutre du code pénal. Je trouve ça anormal dans les journaux. Ceux qui voient la vie arrose possèdent des palaces à Saint-Tropez. Ma seule richesse à moi c'est le hip-hop. Je flippe pour les gosses, la misère, la violence font des ravages. Impossible de rester sage, impossible de tourner la page. J'ai la rage quand je vois ceux qui sont en cage. Rien à boire, rien à manger, il faut se bouger. Ce sont les bavardages pour qu'on puisse avancer. Gagner du terrain sur la violence, c'est ma devise et celle de mon possi. Le monde part en couille, le train déraille. Le paradis n'existe pas, l'enfer est sur terre. Le monde part en couille, le train déraille. Le paradis n'existe pas, l'enfer est sur terre. Le monde part en couille, le train déraille. Le paradis n'existe pas, l'enfer est sur terre. L'univers est rouillé comme une vieille ferraille. Ombre et lumière des frères, leur vie éphémère. Ma crise de nerfs, la colère m'amène à la guerre. Quand Lucifer se vénère, le monde devient comme une chambre à gaz. J'y perds mon point de repère, galère que l'on respire contient de somnifères. Que faire frère face à cette galère? Trop de misère, la terre est mystère. Mais les cons prolifèrent, je ne peux me taire. Commençons par le commencement. Les politiciens nous gouvernent, apprenant la différence des races. Sèment la haine, mène à la violence. Les innocents sans conscience, sans méfiance. Ils nous affichent des éloquences, manigancent l'intolérance. Comme le FN, peiné pour le peine. En confiance, j'en place une pour ce monde abritant des abrutis de cette espèce. Aboutissent à des conneries, je vis, je ris et j'en pleure. Sans peur, je me bats pour ma survie, malgré les intempéries, amis ou ennemis. Péris si tu fais pas ta prière pour que la lumière éclaircisse ton chemin. Toi et moi, main dans la main, nous représentons le destin. Le monde part en couille, le train déraille. Le paradis n'existe pas, l'enfer est sur terre. Le monde part en couille, le train déraille. Le paradis n'existe pas, l'enfer est sur terre. Le monde part en couille, le train déraille. Le paradis n'existe pas, l'enfer est sur terre. Dieu a créé la planète, Satan possède la manette. Resteras-tu encore longtemps sage comme une image? Mes illusions s'écroulent autour de moi. Le racisme, la drogue ou la guerre font des ravages. Quel que soit ton âge, ils t'attendent au virage. Dommage pour les riches qui remplissent leurs poches à la sueur des pauvres gens. L'argent prend le monopole sur la sensibilité. Dans la société, il faut peser pour pouvoir abuser, écraser les plus sensibles, les plus faibles de soi. Quel que soit ton âge, ils t'attendent au virage. Crois-moi, c'est loin d'être fini. Toi et moi resterons unis afin de préserver ce lien sacré face au mépris. Le monde part en couille, le train déraille. Le paradis n'existe pas, l'enfer est sur terre. Le monde part en couille, le train déraille. Le paradis n'existe pas, l'enfer est sur terre. Le monde part en couille, le train déraille. Le paradis n'existe pas, l'enfer est sur terre. Le monde part en couille, le train déraille. Le paradis n'existe pas, l'enfer est sur terre. This goes down.